tes yeux sont si profonds qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Si je t'erre à mourir, tous les désespérés, tes yeux sont si profonds que j'y perds la mémoire. À l'ombre des oiseaux, c'est l'océan troublé, puis le beau temps soudain se lève et tes yeux changent. L'été taille la nuit au tablier des anges. Le ciel n'est jamais bleu comme il l'est sur les blés. Tes yeux dans le malheur ouvrent la double brèche par où se reproduit le miracle des rois. Lorsque le cœur battant, il vire tous les torts. Le manteau de Marie, accroché dans la crèche. Une bouche suffit au mois de mes démons, pour toutes les chansons et pour tous les élèves. Trop peu d'infirmament pour des millions d'astres. Il leur fallait tes yeux et leurs secrets gémeaux. L'enfant accaparé par les belles images écarquille les siens, moi, démesurément. Quand tu fais les grands yeux, je ne sais si tu mens. On dirait que l'averse ouvre des fleurs sauvages. Cache-t-il des éclairs dans cette lavande où des insectes défont leurs amours violents? Prise au filet des étoiles filantes, comme un marin qui meurt en mer en plein mois d'août. J'ai retiré ce radium de la pêche blinde. J'ai brûlé mes doigts à ce feu défendu. Au paradis cent fois retrouvé, reperdu. Tes yeux sont mon Pérou, ma Golconde, mes Indes. Il advint qu'un beau soir, l'univers se brisa sur des récifs que l'air naufrageurs enflammés. Moi, je voyais briller au-dessus de la mer les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa, les yeux d'Elsa.